إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس في حول محاضرة الشيخ الوالد العلامة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، إتحاف البشر بمنزلة ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الخبر. سي نوتخ سيز وتور دو ليتيد دو لا كونفيرونس دو الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، كي لا انتيتولي لو كادو بور لي زوما دون لا بوزيسيون كونسيرنون لا بوزيسيون دو غوفرنور على لوميير دو ليفر دالله اي دو لوثنتيك دو لا سنة دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. C'est une conférence qu'il a fait au forum Salafi de Qatar et qui est transcrite sur Sahal. يقول حفظه الله: معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، أحدثكم هذه الليلة بما رأيتم وسمعتم من عنوان الكلمة من خلال اللقاءات السلفية في قطر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، وجمع الخواص والعوام من المسلمين على ما رضي العباد والبلاد من الإسلام والسنة، والتي تبت عبر شبكة سحاب السلفية. ولست قاصدا الحديث إلى قطر معين أو شعب معين أو دولة معينة، بل حديث موجه إلى كل صاحب سنة تشربت بها عروقه وخالطت بشاشتها قلبه، فرضيها قولا واعتقادا وعملا وأبغض ما سواها، وإن زخرف بالقول وحبكت له العبارات وأسست له القواعد والتأصيلات. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve ou assemblé de ceux qui écoutent parmi les musulmans et les musulmanes, je vous parle ce soir avec ce que vous avez entendu et ce que vous avez comme titre à travers ces rencontres salafis de Qatar, que Allah subhanahu wa ta'ala la préserve et préserve les autres pays de l'islam, et que Allah subhanahu wa ta'ala unisse les particuliers et les communs des musulmans sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et ce qu'il a agréé pour les serviteurs et pour la terre, et ce qu'il a agréé comme islam et comme sunnah. Et cette conférence qui est qui est propagé directement par Sahab Salafia, qui est un forum salafi et un site salafi. Il dit: et mon but avec cette conférence, ce n'est pas un pays particulier, ni un peuple particulier, ni un état particulier, mais mon discours est adressé à tout un chacun qui est enraciné dans la sunna, qui est imbibé par la sunna, qui connaît la sunna, et que la sunna remplit son cœur, et il a agréé la sunna au niveau de la parole, au niveau des croyances, au niveau des actes. Il a détesté tout ce qui est en dehors de la sunna, même si on l'embellit avec les belles paroles, mais aussi on utilise les belles expressions pour le faire passer, même si on lui a fait des fondements et des règles. يقول: فإذا تقرر هذا فقد نظمت هذه المحاضرة على المسائل الآتية: المسألة الأولى في سبب اختيار الحديث في هذا الموضوع، والمسألة الثانية في الأدلة من آية التنزيل الكريم، والمسألة الثالثة فيما دل له من صحيح الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة التنبيه إلى أمر مهم لا يكاد ينفك عنه قطر من أقطار دولنا العربية الإسلامية. Il dit, si ceci est confirmé, la conférence va se dérouler ainsi. Le premier sujet sera pourquoi le choix de ce sujet. Pourquoi parler de ce sujet. Deuxièmement, les preuves du livre d'Allah qui a concernant ce sujet. Le troisième, les preuves de la sunna concernant ce sujet. Quatrièmement, attirer l'attention sur un point très important qui se retrouve dans tous les pays de l'islam et dans tous les pays arabes musulmans. يقول فأقول وبالله التوفيق سبب اختيارنا الحديث على وفق ما سمعتم من عنوانه يتضمن أولا جهل كثير من الناس بالتحاكم إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعرفها حق المعرفة إلا قلة من الناس. Il dit, je demande l'aide auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. La cause du choix du sujet, c'est comme vous avez entendu le titre dans la conférence, la cause du choix contient deux points. Le premier point, trois points. Le premier point, c'est que beaucoup de gens ignorent le fait de prendre comme juge la sunna du prophète alayhi salam. Et beaucoup de gens ne connaissent pas comme il se doit la sunna du prophète alayhi salam. وَتَانِيًا كَثِيرٌ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَىٰ عِلْمِ الشَّرْعِ سعى جاهدا في جعل العقل متبوعا للنصوص ولم يجعل النصوص هي المتبوعة والنتيجة التي روجها على أتباعهم وأصحابهم ومحبيهم أن الحكم للعقل فما استساغت عقولهم وأقرت استساغوه وأقروه ونافحوا عنه بالقوة وحتى ولو لو أدى الأمر إلى إنكار النصوص أو تأويلها وهذا هو محض القياس الفاسد المصادم للكتاب والسنة وإجماع الأئمة وأول عبد سلك هذا المسلك وعصى أمر الله سبحانه وتعالى محتجا بالقياس الفاسد هو إبليس عليه لعنة الله. Deuxièmement, c'est beaucoup, il dit, رحمه الله تعالى, beaucoup parmi ceux qu'on attribue à la science de la législation font tout ce qui est ou leur possibilité pour mettre les textes, pour faire en sorte que les textes suivent la raison humaine et non pas que la raison suit les textes. Le résultat, ils ont proposé tout ça autour de leurs disciples, autour de leurs amis, autour de ceux qui les aiment, et ils ont fait que le juge c'est la raison, et tout ce qui est accepté par la raison ils le confirment. Ils l'approuvent, ils le défendent avec force. Même si ceci va amener au fait de mettre de côté les textes ou de donner une fausse interprétation aux textes. Et ça, c'est l'analogie, la mauvaise analogie qui est en contradiction avec le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna et le consensus des imams. Et le premier serviteur qui a pris ce chemin, qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, en prenant comme preuve l'analogie, la mauvaise analogie qui n'a pas à avoir lieu, c'est Iblis et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. يقول الأمر الثاني وهو شبيه بالأمر الثالث وهو شبيه بالثاني القصد إلى الرأي المحض فكثير من هؤلاء وإن انتسبوا إلى علم الشرع وقد يحفظون كما كبيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حفظهم القرآن وعلمهم بالسيرة إلا أنهم يغلبون الرأي. Il dit, le troisième point, il est similaire au premier. La troisième cause qui le pousse à parler de ce sujet, et cette troisième cause est similaire à la première, c'est que certains mettent en application leur opinion. Et beaucoup parmi ceux qui sont attribués à la science de la législation, alors qu'ils mémorisent beaucoup de hadiths du prophète, avec la mémorisation du Coran, en sachant aussi la biographie du prophète alayhi salam, mais ils mettent en avant leur opinion. وعني به الرأي المجرد المحض العاري عن السنة وهذا المسلك هو الذي تتابع الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلم والدين على ذمه ومقته. Il dit, je veux dire par là l'opinion qui n'est pas conforme à la sunna et qui ne trouve pas sa preuve dans la sunna. Il dit, c'est ça la voie sur laquelle étaient les grands imams parmi les nobles compagnons et ceux qui les ont suivis et les imams de la science et de la religion sont sur la situation de blâmer l'opinion qui est dépouillée de toute preuve. يقول قال أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إياكم وأهل الرأي أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Et le prince des croyants, le deuxième calife de cette communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, a dit attention. Attention aux gens de l'opinion. Les ennemis de la sunna, ils ne sont pas capables de mémoriser la sunna et ils débitent et ils donnent des points de vue avec partant de leur opinion. Ils se sont égarés et ils ont égaré. Pourquoi ? Ils s'appuient sur leur opinion, sur leur pensée. Wa qala al-Sha'bi Amir ibn Shurahbil رحمه الله إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به. Il dit que l'imam Shaabi رحمه الله بن شرحبيل a dit attention à l'analogie. C'est-à-dire l'analogie qui n'est pas conforme au livre et à la sunna. Attention à l'analogie. Car par celui qui tient mon âme entre mes mains, si vous mettez en application l'analogie, hein, vous allez rendre licite ce qui est illicite. Et vous allez faire de ce qui est illicite, licite. Ce qui vous a été transmis de ceux qui ont mémorisés et qui ont appris des compagnons de Mohammed alayhi salallahu alayhi wa sallam, prenez-le, mettez-le en application. يقول ومن أراد الاستزادة في ذم هذا الرأي ومقته فليراجع على سبيل المثال من دواوين الإسلام والتي نقل مصنفوها وهو أئمة علم وإيمان أصول الدين وفروعه بالدليل كتابا وسنة وإجماعا أقول على سبيل المثال يراجع الإبانة الكبرى لابن بطة وشرح أصول اعتقاده للسنة للللكاي وغيرهما. Il dit حفظه الله تعالى, celui qui veut encore avoir plus de science, plus de clairvoyance sur le fait comme quoi l'opinion qui ne suit pas les textes, qui n'est pas conforme au texte, est blâmé, hein, qu'il révise. Et il donne des exemples de livres qui ont été édités par les imams de la science et des livres et des passages dans les livres de croyance, hein, des livres qui trouvent leur preuve dans le livre d'Allah, dans l'authentique de la Sunna et dans le consensus. Il cite un exemple tout simplement deux parmi ces références qui est l'Ibana al-Kubra de Ibn Battah et Usul, l'interprétation du fondement des croyances des gens de la sunna de l'alaka et rahimahullah ta'ala. Amr al-Rabi' qawluhu ta'ala wa idha khadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna qala a'immatuna فكل ما ذم الله عليه أهل الكتب هو ذم لنا إن سلكنا مسلكهم يعني في كتمان العلم. وينضم إلى هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Et le quatrième point, pourquoi il a choisi de parler de traiter ce sujet, c'est le verset qui dit nous avons pris impact, Allah subhanahu wa ta'ala a pris impact sur ceux qui ont reçu le livre, qu'ils doivent éclairer les gens sur le livre qu'ils ont reçu, ils ne doivent pas le cacher. Et il dit, rahimahu wa hafidhahu Allah ta'ala wa ghafara lah, nos imams ont dit, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé comme gens du livre, tous les blâmes qu'ont reçu les gens du livre est un blâme pour nous aussi, c'est on suit leur chemin. Ça veut dire que si on cache la science, il dit cher, si on cache la science, on sera blâmé comme ils ont été blâmés. Parce que c'est pour ça qu'ils ont été blâmés, ils ont caché la vérité. Il dit, on rajoute à ce verset la parole du prophète alayhi salam, qui est dans le hadith authentique, qui dit la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. On dit, ya Rasulallah, pour qui le conseil? Il a dit, pour Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les imams, c'est-à-dire les gouverneurs et les hommes de science, et pour le commun des hommes et pour le commun des musulmans. يقول حفظ الله فإذا تقرر هذا فنقول وبالله التوفيق شارعين فيما قصدناه من الحديث معكم بالكلام على ما قدمناه من المسائل مسألة مسألة. Il dit si tout ceci est confirmé, nous disons et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous cherchons l'aide, disons en vous parlant du sujet que nous vous avons cité point par point. Il dit le premier point concernant ce sujet, c'est concernant les versets. Hein? Concernant ce sujet. Li'alama kullu muslimin wa muslimatin anna hadhihi al-mas'ala daliluha sarih. Pour que chaque musulman et chaque musulmane sache que ce point et ce sujet, ces preuves sont très claires. أولاً آية النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Il cite premièrement le premier verset dans sourate An-Nisa où il dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, yaoulil amri minkum, c'est-à-dire aux hommes de science et aux gouverneurs. Et si vous avez un litige sur une situation, vous devez la ramener vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah et vers le messager d'Allah, c'est-à-dire vers la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Si vous croyez en Allah, on le de là, et ça, c'est la meilleure des interprétations à faire. يقول حفظه الله ما معنى هذه الآية؟ يقول كل لبيب كيس فطن يدرك أن الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان وخصهم بهذا الخطاب لأنهم هم أهل الانتفاع بخطاب الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا وخبرا. فضمنها أولا يلدي حفظه الله تعالى. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il est tout un chacun qui est doué de raison et qui est éveillé comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux gens de la foi et le message est à eux en particulier car c'est eux qui vont profiter du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit au niveau des ordres ou au niveau de l'interdiction. Et il dit donc, et le verset il contient premièrement أولا الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار سواء كانت تلكم كتابا أو سنة وقرن سبحانه وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بطاعته سبحانه وتعالى. Premièrement, ce que donne le verset est le fait d'obéir à Allah. Allah a ordonné de lui obéir. Et il a ordonné le fait d'obéir au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci s'accomplit en mettant en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'abstenant des interdits et en prenant comme véridique ce qu'il nous a annoncé, que ce soit ce qui est dans le livre d'Allah ou ce qui est dans la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis à pied d'égalité son obéissance à l'obéissance avec l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam. Dans l'ordre, il les a mis à pied d'égalité. يقول وفي ذلكم سر لطيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالتشريع بنفسه يعني أنه لا يأمر وينهى إلا بأمر الله ونهيه وكذلك إخباره قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Et il a dit dans ça il y a un secret très important. C'est que le messager alayhi salatu wassalam ne prend pas l'indépendance dans le fait de légiférer. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ordonne et interdit avec l'ordre d'Allah et avec l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi salam. Salam. Salam. Il en est de même des annonces que Allah subhanahu wa ta'ala que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait. Il les tient directement d'où ? En ce qui concerne l'invisible, en ce qui concerne tous les dons, il est détient d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit ainsi. Donc, dans le Coran, il ne parle pas de ses propres passions, ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Ferme la porte parce qu'il y a un courant d'air. Ferme la porte. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى غير ذلك من الآيات في معنى هذه الآيات الثلاث والحكيم الرشيد الناصح لنفسه الحازم في أمره يظهر من ضميمة هذه الآيات إلى قوله أطيع الله وأطيع الرسول فوائد. Et il dit, il ne cite aussi le verset. Il dit, ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne, mettez en application. Ce qu'il vous donne, prenez. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Et dans l'autre verset, vous avez le meilleur des modèles à suivre. Et ce meilleur des modèles, il est pour ceux qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala, il espère que ceux qui espèrent la récompense min Allah et qui espèrent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et d'autres versets qui vont dans le même sens. Et il dit celui qui est doué de raison, le sage doué de raison, qui se donne le bon conseil, il prend ses ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec fermeté. Et il prend les leçons à retenir de ces versets qui disent « Obéissez à Allah et obéissez au messager ». Et les leçons à retenir et les points à retenir sont ainsi. « Ihdaha tashrifu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anna Allah astafahu muballighan anhu shar'ah fayajibu ala al-muslimin qaboul hada al-balagh sawa'an kitaban aw sunnatan sahiha. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى قد سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إليه وتقرب منه وينال صاحبها الزلفى عند الله عز وجل سوى طريق واحدة ألا وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. Le premier point à retenir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce message عليه الصلاة والسلام et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu et qu'il a fait de lui quelqu'un qui transmet sa législation. Donc il est obligatoire aux musulmans d'accepter la transmission de ce messager alayhi salam, que ce soit la transmission du livre d'Allah ou de l'authentique de la sunna. Deuxième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fermé toutes les portes pour tout un chacun qui va prétendre qu'il y a une voie qui va amener vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui va le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va lui prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé toutes les portes. Hein? Il a laissé qu'un seul chemin et une seule voie, c'est la voie de ce messager alayhi salatu wassalam. ومما يؤكد هذا قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et ce qui confirme ceci, c'est aussi le verset qui dit, dites-leur, ya Muhammad, si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez qui? Muhammad alayhi salatu wasalam. Allah il vous aimera, il pardonnera vos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, il est pardonneur et miséricordieux. فهذه الآية حجة على صدق دعوى محبة الله أو كذبها. فمن ادعى محبة الله فإن كان على شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو صادق وإن كان على غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. Donc ce verset c'est une preuve de la véracité de tout un chacun qui prétend l'amour d'Allah, aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Ici aussi une preuve qui montre comme quoi la personne ment. Tout un chacun qui prétend aimer Allah et qui ne suit pas la législation de Mohammed alayhi salatu wassalam, hein, il est menteur. Et celui qui dit j'aime Allah et qui est conforme, il se conforme à la législation de Mohammed alayhi salatu wassalam, celui-là est le véridique. Hein? والحاصل أنه بقدر ما يفوت المرء على نفسه من متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يفوته من محبة الله بقدر ذلك. Le résultat c'est que plus la personne est négligente et n'est pas dans le suivi de Mohammed عليه السلام et il est laxiste à ce niveau-là, plus l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala va diminuer par rapport à cette personne. Et plus la personne est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sera grand vis-à-vis de cette personne. وتأملوا يقول حفظه الله وتأملوا قوله عز وجل وأولي الأمر منكم تجد أن الله سبحانه وتعالى كرر الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لما قدمنا ولم يكرره هنا فعطف بدون أطيعوا لأن ولي الأمر قد يأمر بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. Il dit حفظه الله تعالى méditez maintenant le terme وولي الأمر منكم. Il dit vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit obéissez à Allah et obéissez au messager, ici il a répété le verbe. Alors concernant Ouli l'Amr qui sont les hommes de science et qui sont les gouverneurs, il n'a pas répété le verbe. Car le gouverneur ou l'homme de science peut ordonner quelque chose qui n'est pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces cas-là, il n'y a plus d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. ويقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتع به ومتعه بالصحة والعافية والسؤال من هم ولاة الأمر في الأمة. الشيخ عبيد حفظه الله تعالى et que الله سبحانه وتعالى préserve et qu'il allonge sa vie dans son obéissance dit qui sont ولاة الأمر dans cette communauté. الجواب هم الأمراء والحكام أعني قضاة الشرع والمفتون والعلماء الذين هم علماء الملة المحمدية. La réponse, ce sont les princes, c'est-à-dire président, roi, tout ce que tu veux, ceux qui gouvernent, les juges de la législation, hein, ceux qui donnent les verdicts, les muftis, les hommes de science qui sont sur la voie de, et sur la sunna de Mohammed alayhi salam, tout ça, ce sont ulil amr dans cette communauté. Taniyan, mimma tadammanat ul aya, amrul ibadi amran amman, برد ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه، سواء كان من أصول الدين أو فروعه، وسواء كان الحاكم أو المحكوم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Deuxièmement, ce qui est contenu dans le verset aussi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux serviteurs, en ordre général, quand ils ont un problème, un litige sur une situation, que ce soit dans les fondements de la religion, ou que ce soit dans les branches de cette religion, ou que ce soit le gouverneur ou les populations, ils doivent tout ramener vers Allah et vers le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous avez un litige dans quelque chose, ramenez-la vers Allah et vers le messager. قال أهل العلم الرد إلى الله والرد إلى كتابه وهو القرآن الذي علم من دين الله بالضرورة أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكله حق وصدق وهدى لا يسوغ للمسلم الميل عنه إلى غيره. فد غمني في الله دون الفرسي سبدي غمني في الليف الله كي القرآن. Car ce qui est connu, irréfutable, hein, et obligatoire dans cette religion, hein, c'est que ce Coran, le faux ne s'immisce pas. Comme il est dit dans le verset, le faux ne s'immiscera jamais. Et le Coran, il est en entier véridique. Et c'est la vérité entière. Et c'est la guidée entière. Donc il n'appartient pas à un musulman. Il n'appartient pas à un musulman de dévier de ce Coran vers autre chose. والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى شخصه في حياته والرد الى سنته بعد مماته لانه بوفاته صلى الله عليه وسلم انقضى الوحي وسنته محفوظه لدى اهل العلم والايمان والدين بدءا من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين الى هذه الساعه والى ما بعد. Ramener vers le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, ça veut dire, quand il était vivant, de ramener le problème devant le prophète alayhi sallam pour qu'il le juge. Et de le ramener vers la sunna du prophète alayhi sallam après la mort du prophète alayhi sallam. Car après la mort du prophète alayhi sallam, il n'y a plus de révélation. Et la sunna du prophète alayhi sallam, elle est préservée chez les hommes de science et les gens de la foi et les gens de la religion. En commençant par les nobles compagnons de Muhammad alayhi sallam, hein, tous, jusqu'à nous, jusqu'à maintenant, et après notre époque aussi. Et elle est préservée jusqu'à la fin des temps. وختم الآية سبحانه وتعالى بشيئين. الأول أن هذا الرد حال الاختلاف في أمر من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول هو شرط في الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمعنى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإيمان إذ تردوا نزاعكم وخلافكم إلى الله وإلى رسوله. Et il a terminé le verset avec deux points. Le premier, c'est que quand on a un litige, on a des divergences en ce qui concerne la religion, hein, on doit la ramener vers le livre d'Allah et vers l'authentique de la sunna du prophète. Et c'est une des conditions de la foi. Parce que, il dit, si vous croyez en Allah et en l'au-delà, ça veut dire, si vous croyez véridiquement en Allah et en l'au-delà, vous devez ramener votre problème et votre divergence vers le livre d'Allah et vers le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. والثاني ذلك خير واحسن تاويلا اي تاويلا اي عاقبه والمعنى ذلك الرد الى الله والى الرسول هو احسن عاقبه خير واحسن تاويلا خير للعباد في العاجل والاجل. Et quand il a dit, et ceci c'est la meilleure des interprétations, ça veut dire c'est la bonne fin à donner à la situation. Quand vous avez un problème, la bonne fin à donner à votre problème, c'est de ramener vers le livre d'Allah et vers l'authentique de la sunna du prophète. Et c'est la meilleure des fins pour les serviteurs de l'Allah, que ce soit en ce qui concerne leur vie dans ce bas monde ou dans le delà. ومفهوم ذلك أن رد التنازع إلى غير الله ورسوله عاقبته سيئة. Et cela dans le sens contraire, ça veut dire que si on ramène nos litiges et nos problèmes et nos divergences vers autre que le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation, notre situation va être mauvaise. وثمة آية أخرى توجب هذا المسلك وهذا الطريق الذي هو الأمر بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر على آخر ما تضمنته الآية هذه آية أخرى هي من سورة الأحزاب أعني قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فكل عاقل لبيب ناصح لنفسه ولغيره يدرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى ضمن هذه الآية وجوب انقياد المسلمين إلى ما قضاه أو قضاه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه لا خيار لهم. Il dit, il y a un autre verset qui fait qu'il est obligatoire de prendre ce chemin-là. Chemin de tout ramener vers le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna. Ce verset ordonne l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager et l'obéissance à, au gouverneur et aux hommes de science, etc. Et au mufti et ainsi de suite, dans le, tout ça dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre verset qui le prouve encore, qui dit, ils n'appartiennent pas à un croyant ou à une croyante quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète quelque chose. Et son messager décrète quelque chose, un ordre, qu'ils aient le choix dans leur situation. Quand l'ordre arrive min Allah, et l'ordre arrive min Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les personnes n'ont plus de choix. Le croyant ou la croyante, ils disent, nous avons entendu, nous obéissons. C'est tout simplement. Et donc, il cherche de nous dire, Habidallahu ta'ala, et tout doué de raison, qui prodigue le bon conseil à lui-même et aux autres, comprend complètement que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset ordonne le fait de se soumettre à ce qu'il a décrété comme loi et à ce qu'a décrété son messager alayhi salatu salam comme loi et que les musulmans n'ont pas le choix mais le fait de se soumettre à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam. ويؤكد هذا الإشارة إلى أن عدم هذا المسلك معصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il confirme aussi ceci. Il attire l'attention sur ce point très important. L'autre verset qui dit celui qui désobéit à Allah et à son messager, il s'est égaré un égarement clair. Donc obligation d'obéir à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam. ويؤكد هذا قوله جل في علاه من سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض أمره أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. Et confirme tout ceci aussi le verset dans Sourate An-Nur où il est dit qu'il fasse attention ceux qui divergent de l'un de ses ordres, un ordre du prophète alayhi salam, un seul, qu'il ne leur arrive pas le fitna, qu'il ne tombe pas dans le fitna et qu'il ne subisse pas l'énorme châtiment. L'imam Ahmed a dit, rahimahullah, est-ce que tu sais ce que ça veut dire le fitna? Le fitna, c'est l'associationnisme. La personne ne cesse de rejeter les ordres du messager alayhi salatu salam jusqu'à tomber dans la déviance. La mas'alatu al-thalitha wa hiya as-sunnatu al-thabitatu al-mutawatiratu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa minha ma huwa fi as-sahihayn wa qad taqarrara 'inda ahli al-'ilm بعد عهد الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ومنها ما هو خارج الصحيحين وقبل أن أورد بعضها مختارا له تخفيفا عليكم معاشر المسلمين والمسلمات أذكر بعض من روى هذه السنة الصحيحة، وحتى تعلموا علم اليقين أنها متواترة. روى هذه السنة الصحيحة الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وأم الحسين الأحمسية، واثنان من أمهات المؤمنين، إحداهما الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وأم سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وحشرنا وإياكم وإياهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا محرومين. آمين. Il dit le troisième point, c'est que la sunna confirmée à ce niveau-là, qui est le fait d'obéir à Allah, d'obéir au messager ou au gouverneur, il nous est arrivé par plusieurs voies de transmission et par plusieurs chaînes de transmission. Et à chaque degré, et il est mutawatira, ça veut dire qu'à chaque degré des chaînes de transmission, il est rapporté par plusieurs. Que ce soit au niveau des compagnons, au niveau de leurs successeurs, etc. Il dit, fait partie de ces textes, ce qu'il y a dans les authentiques, chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Il a dit, il a été confirmé chez les hommes de science, après l'imam Malik et l'imam Shafi'i, que Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde, que l'authentique du Bukhari et l'authentique du Muslim sont les livres les plus authentiques sur terre, après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, fait partie de ces hadiths dont il s'agit ici, ce qui a été rapporté dans les authentiques. Il dit, avant de vous les citer, de vous citer certains, pour alléger la situation, que ce ne soit pas trop lourde, assemblée de musulmans et de musulmans et de musulmanes, je vous cite ceux qui ont rapporté cette sunna parmi les compagnons, cette sunna authentique, pour que vous sachiez avec certitude que cette sunna est rapportée par plusieurs voies et par plusieurs personnes aux différents degrés des chaînes de transmission. Cette sunna authentique a été rapportée par un grand nombre de nobles compagnons d'Allah alayhim. Fait partie de ceux-là, il ne les cite pas tous, il te cite juste certains parmi eux. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Dhar al-Ghifari, Abu Huraira, Ubad ibn Samit, Umm al-Husayn al-Ahmasiyya. Deux parmi les mères des croyantes qui sont la véridique, fille du véridique. La mère des croyantes, Aïcha ridwanullahi alayha, la fille d'Abu Bakr Siddiq ridwanullahi alayha, Salama ridwanullahi alayhi majma'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et qu'ils agréent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a réservés. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons ressuscités avec eux sur l'étendard de Muhammad alayhi salatu wassalam. Yaqul wa hakum ahaditha mukhtara. Il dit, voici les hadiths que j'ai choisis. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. الحديث البخمي حديث كنسيت الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Et celui qui obéit à mon gouverneur, il m'a obéi. Et celui qui désobéit à mon gouverneur, il m'a désobéi. الحديث الثاني هو حديث عبادة بن الصامت ممن شهد بدرا وبيعة العقبة الثانية وكان أحد النقباء فيها، قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واترة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Le deuxième hadith, c'est le hadith d'Ubadat ibn Samit. Il fait partie de ceux qui ont combattu pendant la bataille de Badr. Et il fait partie de ceux parmi les habitants de Médine al-Ansar qui ont fait la deuxième allégeance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il était l'un des délégués des Ansar pour cette allégeance. Et il a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a appelés. Et il a dit, nous lui avons fait l'allégeance Et parmi les choses sur lesquelles nous lui avons fait l'allégeance, c'est d'écouter et d'obéir. Écouter qui ? Et obéir à qui ? Écouter le gouverneur. Et écouter les ordres du gouverneur. Et ce que dit le gouverneur, et obéir à ses gouverneurs, et l'obéissance se fait dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, il faut qu'on écoute et qu'on obéisse au gouverneur. Donc, quand on est réjoui et quand on est attristé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on est vif pour ça ou qu'on ne l'est pas, on doit obéir. Dans les moments difficiles et dans les moments de l'aisance, et même quand on voit que les gouverneurs s'accaparent de la fortune pour eux, ou là leurs alliés s'accaparent de la fortune pour eux ou leur famille, même dans cette situation-là, nous devons obéir, écouter, obéir au gouverneur. Il a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire sur laquelle vous avez une preuve min Allah Azza wa Jal. Et j'ouvre une parenthèse, frère en Allah Azza wa Jal. Ce n'est ni au minus comme moi, ni comme toi, de décréter la mécréance d'un gouverneur. Ceci, c'est la particularité des hommes de science, et des particuliers, des grands hommes de science, et pas n'importe qui. Hein? Donc, va pas avec ta raison, mais non, mais il est mécréant ce gouverneur. Eh ben, d'un coupe court, à la route d'Yel Shaitan, sinon tu vas à ta perte. Hein? الحديث الثالث حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم يعني تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما صلوا وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة وهذا الحديث الأخير في صحيح مسلم. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le troisième hadith, c'est le hadith de Awf ibn Malik, du prophète alayhi salam, qui a dit, les meilleurs de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment, ceux pour lesquels vous faites des du'as et ceux qui vous font des du'as, et eux-mêmes ils vous font des du'as. Et les pires de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous détestez et eux aussi vous détestent. Vous les maudissez, ils vous maudissent aussi. Il a dit, ah Rasulallah, on prend les armes contre eux. Il a dit, non, prenez pas les armes contre eux. Vous ne vous révoltez pas contre eux. Tant qu'ils prient, et si vous voyez de votre gouverneur quelque chose que vous détestez, détestez son acte, mais restez dans son obéissance. Détestez son acte, ne vous révoltez pas, restez dans l'obéissance de votre gouverneur. يقول وها استدرني حديث إلى دون طنطق دو مسلم يقول حفظه الله تعالى ما الذي تفيد هذه الأحاديث وما هو في معناها إيه إلدي حفظه الله تعالى سفيدير كوا سي حديث إلي حديث كي سون دون سو سونس لا كيسكو سفيدير يقول إن المتجرد للسنة بعيدا عن الهوى ومجارات العوام من الهمج الرعاه يدرك فوائد il dit حفظه الله تعالى tout un chacun qui est conforme à la sunna et qui s'est éloigné des passions et qui ne caresse pas le commun des musulmans et les gens dans le sens du poil c'est captera et apprendra beaucoup de choses de ces hadiths إحداها وجوب السمع والطاعة في حال اليسر والعسر والمكره والمنشط إلا أن يرى معصية كما في حديث عوف بن مالك وحديث ابن عمر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة celui qui se conforme à la sunna retiendra de ces paroles du messager alayhi salam, comme quoi il est obligatoire d'écouter et d'obéir au gouverneur dans l'aisance et dans les difficultés, qu'il le veuille ou qu'il en soit contraint, sauf si on lui redonne une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est rapporté dans le hadith de Awf ibn Malik et dans le hadith d'Abdullah ibn Omar. Le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, sauf si on lui ordonne une désobéissance Et si on lui ordonne une désobéissance, ben il n'obéit pas. Il n'écoute pas cet ordre de la désobéissance, ni il ne le met en application. Tout simplement. Tout en sachant qu'il ne doit pas se révolter contre son gouverneur. Hein? Et qu'il ne doit pas prendre les armes contre son gouverneur. Et qu'il ne doit pas non plus dénigrer son gouverneur. وفي حالة الأثر إذا استأثر السلطان له أو مقربين من خواص الناس وعوامهم وهذا ما ذكره في حديث عبادة رضي الله عنه وأثرة علينا والمعنى إذا استأثر ولاة الأمر فلم ينصفونا ولم يوفونا حقنا فإذا انضاف إليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قيل كيف تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم فتحصل وجوب الصبر على جور الجائر وظلم الظالم وعسف العاسف مع وجوب الطاعة له مقيدة بعدم المعصية في غير معصية الله il dit حفظه الله تعالى ومتع به et dans la situation où le gouverneur et ses proches s'accaparent de la fortune et ces particuliers s'accaparent de la fortune en dehors de la population et du commun des musulmans. Et ceci est cité dans le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu ta'ala où il dit wa ataratin alayna, ça veut dire les gouverneurs et ceux qui sont dans leur ceux qui les entourent etc s'accaparent de la fortune. Ils ne sont pas équitables vis-à-vis de la population. Ils ne s'acquittent pas du droit de la population. Donc il dit, si ce hadith de Ubad ibn Samit, on le fait rejoindre au hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, où il dit, même si vous voyez que le gouverneur s'accapare de la fortune et voyez des choses que vous blâmez, lui ont dit à Rasulullah, qu'est-ce que tu nous redonnes dans ces cas-là? Il a dit, vous vous acquittez de votre devoir. Vous vous acquittez de votre devoir vis-à-vis de votre gouverneur et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala votre droit. Et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que même s'il s'accapare de tout, hein, tu t'acquittes de ton devoir vis-à-vis du gouverneur qui est le fait d'écouter et de bouillir. Il fait partie de notre devoir vis-à-vis de notre gouverneur, c'est de lui faire dua, comme l'a dit Cheikh Al-Outaymi rahmatullah alayhi. De lui faire dua, ça fait partie de notre devoir vis-à-vis de ce gouverneur. Et de ne pas faire dua contre lui. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, Cheikh Obeid de dire, et ainsi, on sait maintenant, il en résulte de ces hadiths, comme quoi il est obligatoire de patienter et d'endurer devant l'injustice du gouverneur, et devant la tyrannie du gouverneur. Et l'obligation de lui obéir, il est conditionné par le fait de ne pas lui obéir dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il ne t'ordonne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu restes dans son obéissance. Mais il t'ordonne de désobéir à Allah, tu ne lui obéis pas, mais tu ne te révoltes pas contre lui. Et tu t'acquittes de ton devoir vis-à-vis de lui. Et tu attends ton droit chez Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وهنا أمران الأمر الأول أن أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم استعملوا هذه الأحاديث وما في معناها وجعلوها مسلكا يسلكونه مع ولي الأمر ولا ينازعونه ويصبرون على أذاه كما أنهم يؤدون ما عليهم من حقوق لولي الأمر فإذا ظلمهم وبخسهم سألوا الله الحق الذي لهم les imams de l'islam qui sont les compagnons du prophète, et ceux qui les ont suivis, ont mis en application ces hadiths. Et les hadiths qui sont dans le sens de ceux, et les autres hadiths qui sont dans le même sens. Et ils les ont mis en application, et ils ont pris ce chemin dicté dans ces hadiths, dans leur position vis-à-vis des gouverneurs. Et ils n'ont pas concurrencé le gouverneur sur leur poste, ni ils ont pris les armes contre lui, mais ils ont patienté et enduré sur le mal qu'ils subissaient du gouverneur. Et ils s'acquittaient de leur devoir vis-à-vis du gouverneur, même s'il est injuste avec eux, même s'il a pris leurs biens, Et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner leur droit. Tout simplement. والأمر الثاني أن هذه السنة مندرجة تحت الآيتين السابقتين آية النساء وآية الأحزاب فما تضمنت هذه الأحاديث وفي وما في معناها هو مما قضى الله به ورسوله فلا يجوز رده وجعل غيره بديلا منه ألم تسمعوا إليه جل وعلا ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Le deuxième point, c'est que cette sunna rentre dans les deux versets que Cheikh Ubaid a cités, le verset dans Surat Nisa et le verset dans Surat Al-Ahzab, les coalisés. Et ce qui est contenu dans ces hadiths, il est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Est-ce que le messager a décrété? Donc il n'est pas permis de le rejeter. Il n'est pas permis de rejeter ces hadiths et les enseignements de ces hadiths. Hein? Et cher de nous dire, n'avez-vous pas entendu le verset qui dit, ils n'appartiennent pas à un croyant et à une croyante quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété quelque chose. Hein? Et quand son messager a décrété aussi un ordre. Que les croyants aient le choix dans leur situation. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il s'est égaré d'un grand égarement. On sort avec le résultat comme quoi que on doit, ces hadiths, nous devons les mettre en application vis-à-vis de nos gouverneurs, et vis-à-vis des hommes de science, et vis-à-vis des muftis de là, musulmans. Ces muftis dans la, et ces hommes de science dont la description nous a été donnée par Cheikh Obaid Hafidhahullah qui dit, des muftis de la voix de محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ولهذا قال أئمة الإسلام إن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه وذكروا خصائصه ومنها إقامة الجمعة والجماعة وقسم الغنيمة والفيء والغزو وهذا تفصيله في موضع آخر إن شاء الله تعالى وقالوا قسمة الصدقات إليهم جائزة. دي الشيخ حفظه الله تعالى كل الإمام ذو الإسلام أندي. Le gouverneur, il n'est pas permis de se révolter contre lui. Ils ont cité les particularités du gouverneur. Parce que, avec lui, s'accomplit le Jumu'a. Avec lui, s'accomplissent les fêtes, les prières des fêtes. Avec lui, s'accomplit la prière en groupe. Avec lui, se fait le partage du butin. Avec lui, se fait le combat sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit ceci, pour le détailler, ce sera dans un autre endroit. Il a dit, et c'est lui qui doit, qui divise, qui doit partager la zakat. Et qui lui permet de partager la zakat. وَتَمَّتَ أَمْرٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ مَا يَصْدُرْ عَنْ وَلِي الْأَمْرِ لَهُ أَحْوَالٌ ثَلَاثٌ. Et il a dit, il y a un autre point à retenir, le troisième point à retenir ici, c'est que ce qui arrive, et les actes qui sont accomplis par le gouverneur, ils ont trois situations. أحدها أن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا واجبا ومندوبا فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, dit que les ordres qui nous viennent du gouverneur ont trois situations. La première situation, c'est que cet ordre qui vient du gouverneur, que ce soit, ils ordonnent une obéissance à Allah et à son messager عليه الصلاة والسلام. Et nous avons les textes qui sont clairs. Donc les textes sont clairs comme quoi il est obligatoire de les suivre dans ça, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager alayhi salatu wasalam. Soit il t'ordonne une obligation, il t'ordonne un surrogatoire, une question, tu leur obéis, parce que le fait de leur obéir, c'est une obéissance au messager, et le fait d'obéir au messager, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. الثانية أن يكون من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد فتجب طاعتهم في طاعة لله ورسوله وجمعا للكلمة فإذا عزم ولي الأمر على أمر معين فيه خلاف بين أهل العلم هذا يرى مشروعيته وهذا لا يرى مشروعيته والأدلة محتملة متساوية فإن ولي الأمر يطاع ولا ينازع جمعا لكلمة أهل الإسلام الذين في حوزته. Deuxième point essentiel, c'est que quand il ordonne quelque chose dans une situation, sur un sujet où il y a la place à l'effort d'interprétation, il n'y a pas de texte, et que la situation supporte l'effort d'interprétation. Donc il est obligatoire d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance au messager, dans l'effort de l'interprétation qu'il a fait pour réunir les gens et pour réunir la parole des gens, qu'ils soient sur une seule voie. Quand le gouverneur a donné l'ordre et après la ferme résolution sur une situation bien particulière sur laquelle il y a une divergence entre les hommes de science, et lui il voit que agir ainsi c'est légiféré, l'autre homme de science voit que ceci n'est pas légiféré et que les preuves ne sont pas très claires, ne vont ni dans un sens ni dans l'autre, hein, et ils sont équivalents, ils pèsent des deux côtés, ça pèse, hein, ça pèse son poids des deux côtés. Le gouverneur, on doit lui obéir s'il prend une position. Pourquoi on doit lui obéir? Parce que ça fait l'union de la communauté. Il prend une position, on lui obéit dans ces cas-là parce que ça va faire la protection de la communauté. Ça va faire la protection des gens de l'islam. Ça va faire la protection de l'État. Et ça va préserver cet État de l'anarchie. Hein? Amr al-Talid. An yakuna ma'asiyya, fahada la sam'a lahu wa la ta'a, walakin wajib. Le troisième point dans les ordres du gouverneur, c'est qu'il ordonne une désobéissance à Allah. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'obéissance. Hein? Il y a pas, on n'écoute pas et on n'obéit pas, hein, dans la désobéissance à Allah. Et cela implique deux points. L'amr al-awwal, bughd hadha al-ma'mour bih wa huwa ma'siyatun fil qalb. وكذلك باللسان إذا لم يترتب مفسدة في مجالس خاصة يأمن المرء من الفتنة بعدها. Le premier point qu'implique cette situation, c'est détester cet acte, cette désobéissance qui a été ordonnée par le gouverneur. Tu la détestes par ton cœur et que tu la prends comme telle, comme désobéissance dans ton cœur. Et aussi, tu peux la considérer comme celle et le dire avec ta langue dans des assises privées ou avec tes intimes. Tant qu'il n'y a pas la fitna, que ça ne va pas te créer une fitna, que tu ne vas pas ramener une fitna dans la communauté. Ça veut dire que tu ne vas pas dire que ça c'est une désobéissance devant le commun, qui vont prendre ça comme preuve pour se révolter et commencer à parler au mal du gouverneur. Abadan. والأمر الثاني أنه لا يذاع خطأه ولا يشهر غلطه ولا يشنع عليه في الملأ لما يترتب على ذلك من مفاسد الدنيا والدين ولأن هذا مسلك الخوارج القاعدية الذين يحرضون على ولاة الأمر في مواطن مختلفة كوسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية والخطب التهيجية وإقامة الندوات وعلى المنابر. Et il dit, le deuxième point, c'est que son erreur ne doit pas être propagée, on ne doit pas la divulguer et commencer à la crier sur tous les toits, et on ne doit pas le dénigrer dans les assemblées, parce qu'ils ont dit qu'on a un grand mal en ce qui concerne la religion des gens et la vie des gens, et parce que ça, c'est la voix des khawarij qa'adites qui excitent les gens avec la parole, à se révolter contre leur gouverneur. Dans différentes situations, ils le font par différents moyens, que ce soit par les journaux, que ce soit par les audios, que ce soit par les radios, par les chaînes de télé, par les khotabs qui excitent et qui allument les gens contre leur gouverneur, et par le fait de faire des débats ou par des conférences et ainsi de suite. يقول كل ذلك أيها المسلمون ليس مسلك أهل السنة بل هو مسلك الخوارج سمو. Il dit tout ça, musulmans, ceci ne fait pas partie, le fait d'exciter contre le gouverneur, de divulguer ses erreurs, etc., tout faire ça en public et étaler tout ça en public ne fait pas partie de la voix des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Ceci c'est la voix des khawarij, des révoltés. يقول hein, des révoltés, cela, c'est une catégorie particulière des Khawarij al-Qa'adiyya. C'est une catégorie particulière des Khawarij. On les appelle Qa'adiyya, Summu al-Qa'adiyya, l'annahum qa'iduna ar-raf'i al-sayf, wa yaktafuna bit-tahridi bil-kalam. On les appelle Qa'adiyya, c'est-à-dire ceux qui sont assis, parce que ceux-là, ils ne sortent pas, ils ne se révoltent pas, ils ne prennent pas les armes. Mais par contre, ils excitent les gens avec leurs paroles. Et c'est les pires. Pourquoi les pires? Parce qu'il n'y a jamais de révolte sans parole, sans écrit. C'est eux qui l'alimentent. C'est les pires. Il n'y a pas une révolte qui est passée avant qu'il y ait plusieurs écrits, ou plusieurs paroles, ou plusieurs cassettes, etc. C'est pour ça qu'ils sont très dangereux. Ils préparent les gens à la révolte et à l'anarchie. يقول فيجب على المسلمين حذر هذه الطائفة والتحذير منها. Il a, il est du devoir des musulmans de faire attention à ce groupe, le Qa'adiyya, et d'avertir contre ce groupe, et d'avertir contre eux. وكما أن الأئمة مشوا على استعمال هذه السنة فإن استعمالها ألهمهم الله به سبيل الرشد والهداية والعصمة من الفتنة في هذا الباب. فنصحوا بالدعاء لهم وأن يسددهم الله عز وجل. ففيما يروى عن الإمام أحمد وغيره لو كنت أعلم دعوة مستجابة لدخلتها لولي الأمر. Les grands imams de la communauté sont allés sur la voie du fait de ne pas dénigrer les gouverneurs et de ne pas exciter le commun sur les gouverneurs. Allah subhanahu wa ta'ala les a orientés vers la bonne voie et vers le fait de, d'être épargnés de la fitna à ce niveau-là. Et donc, ils étaient d'un bon conseil pour les gouverneurs. Ils faisaient dua pour les gouverneurs. Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette les gouverneurs sur la droiture. Ils faisaient des dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène les gouverneurs sur la bonne voie et ainsi de suite. Ce qui nous a été rapporté de l'imam Ahmed et d'autres, il disait si je savais que j'avais un dua qui sera exaucé min Allah Azza wa Jal, je l'aurais réservé au gouverneur. Allahu Akbar. Si je savais que j'ai un dua qui va être exaucé ou qui est exaucé chez Allah subhanahu wa ta'ala, je l'aurais mis au gouverneur. Pourquoi? Simple. Parce que le bien, si le gouverneur est dans le bien, celui va couvrir toute la communauté. يقول لأن الأئمة قد استقر عندهم مما فهموه من كتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة السلف الصالح من الصحابة وإمة التابعين أنه بولي الأمر ينصر المظلوم ويردع الظالم وينتشر العدل ويستتب الأمن فتأمن المدن والقرى والسبل وبمنازعتهم تكون الفوضى واختلال الأمن. Parce que les grands imams et les grands hommes de science de cette communauté, il est confirmé pour eux, parce qu'ils ont compris du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète al-Islam et de la biographie du prophète al-Islam et de la biographie de la voie sur laquelle étaient les nobles ayyur radhiyallahu alayhim, qui sont les compagnons et les imams des successeurs et les imams qui leur ont succédé, que le fait qu'il y ait un gouverneur et qu'on écoute à ses gouverneurs, qu'on lui obéit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, par cette voie-là, on va faire triompher le, par la voie du gouverneur, sera, le droit sera donné à celui sur lequel on a commis une injustice. Et celui, le tyran, ou là, le mauvais dans la population, il sera mis à ça, il recevra la sentence qu'il mérite pour rester à sa place. Et la justice va être propagée. La sécurité va être dans le pays, dans ces cas-là, les villes, les villages, les routes seront, tu peux y rouler en sécurité. Et avec le fait de les concurrencer et de se révolter contre eux, il va y avoir l'insécurité, l'anarchie, le pillage et le mal que selon Allah subhanahu wa ta'ala sait quand il va s'arrêter. Et tu n'as qu'à voir ce qui se passe actuellement dans tous les pays où les gens se sont révoltés contre leur gouverneur. En mettant de côté que le gouverneur soit tyran, injuste, etc., on ne parle pas de ça. Regardez le mal que ça fait. Pour que tu comprennes que la sunna de ton prophète, alayhi salam, il est à faire prévaloir dans tous les domaines. Et qu'il faut être derrière, sur le chemin des nobles Zayyur Radhiyallahu Anhum, qui sont les compagnons, ceux qui les suivent à la perfection. Et nous allons arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum wa jazakumullahu khairan.